Jolie maladie, parce que Scott Contrary agit sur le complexe. Tandis que Jean Lesler, il reprendra peu à peu pleine conscience de son moi. Et puis on s'étonne que le banc devienne fou. Ça fait comme un pauvre Sadiq qui peut aussi malheureux avec son intérêt. Parce qu'alors, le jour où tu te tiendras un domestique qui aura des complexes, ça va donner du bon. Mais même pas. Attends bien parce que j'en ai eu aussi. Ah, il finira par avouer. Ouais, quand j'étais gamin. Et par exemple, quand je revenais de l'école et que le père m'envoyait à la mine pour un moment, il me venait de ces douleurs terribles à la volonté. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais une envie de rester assis à l'ombre sans rien faire. Attends, qu'est-ce que par Dieu? Je sais. Et comme tu ne savais pas à l'époque. Et ton papa te soignait? Ah ouais, joliment. Lui, pour soigner la volonté, il ne connaissait qu'un remède. Le puissant mornifle. Bon vase. Oh, bien sûr. Seulement, on était tellement arriérés à l'époque que ça faisait quand même Hein, ça ne veut rien dire. Là, il y a des petits remèdes modernes que tu te traverses comme tu veux, ou bien compresses, ou bien les amènes, là. C'est une question de préférence. Mais l'effet est le même, probable que c'est un peu comme ça. Ton papa, lui, il préférait l'usage externe. Probable qu'à faire ça, il aurait aussi trouvé des pilules de la même sorte pour l'usage interne. Je t'approche. Il était comme ça, et il a toujours été porté à se servir de ce qu'il avait sous la main. Eh bien, je ne sais pas si c'est une douleur ou mon sale caractère bien connu. Marqué, greffier. Eh bien, plus j'avance, plus je suis convaincu des agressivités qu'on peut faire au monde, au nom de l'intelligence. C'est affreux. Affreux. Est-ce que vous avez vu dans les papiers cette espèce de crapule du savant? Mais doucement, on nous écoute au fond du café. Ce savant distingué qui a donné une interview sur la bombe atomique. Oh bon, il y en a qu'un. Ouais, mais celui-là, je le retiens. Il a commencé par raconter des histoires époustouflantes que les bombes qu'on a jetées sur le Japon, qui ne fait que des bricoleries d'affaires à l'échec. Que bref, avec ce qu'il a inventé, lui, avec ses complices. Non, là, c'est collègue. Collègue de tous attachants. On se met un continent, plus par-dessus tête, le corps de l'humanité qui part en calme. Non, c'est de la déhumanité. Attends, parce qu'à la fin, le journaliste qui a demandé quelle forme a-t-il dans vos buts. Alors, cette espèce de vocrice a réussi à lui répondre tout de suite pour qu'il vienne. Je ne souhaite qu'une chose. C'est que cette merveilleuse invention ne soit jamais utilisée dans des buts de destruction. Respecte, mais est-ce que tu imagines que j'en fous quand ces bombes seront au point, on va s'en servir pour envelopper des caramels de noces? Ou pour amuser les gamins? J'en fous. Ah, fou, méchant. Non, même pas. C'est sûrement des tout bras méchants qui ne peuvent pas voir un moineau avec une pâte cassée, ça va être tout remuer. Alors quoi? Vois-tu, pour moi, c'est comme un qui a signé la tamponne parce qu'il buvait toi. Ou bien il tient, alors m'en dis tout, si tu t'es dit. Ou alors, s'il a le malheur de remettre des dans un verre, c'est un soudain, ou bien de lui, que bref, on le ramasse des heures plus tard et ça durerait de tout autre. Une fois que tu as brillé dans cette manique, il y a des faits pour venir en arrière. Leur chien, c'est leur figure. Lâchez de pareil au même. Tu t'aimais autant, toi. Je ne sais pas quand il faut rien faire. Moi, je trouve tout ça, je vais lever les épaules. T'as un bon atomique, c'est de la petite bière. J'ai le 7 semaines, toujours dans mon journal, le même. Deux petites notes qui vont bien plus loin. La première, c'est un chagrin. Chagrin, chagrin, nous sommes tous chagrins. C'est un des seuls titres que l'on peut encore porter sans un micro officiel. Alors là, ça se fait. Et qu'est-ce qu'il disait, le tien? Il disait que le procédé est maintenant tout à fait au point pour la fabrication artificielle des gamins. Pour ça? Ouais, ouais. Il n'y a plus que des questions de détails. D'emballage, je parle. T'as qu'à peu près. Même qu'il a précisé qu'un seul donneur. Mais parce que le papa, dans la nouvelle méthode, on l'appelle le donneur. Qu'un seul donneur peut faire d'un coup 15 000 petits. 15 000 ouais. Eh bien, ça va faire des beaux jours pour les commissions d'assistance suivant qui est le donneur. Et l'autre de mes savants, toujours, c'est un russe, a mis au point la méthode comme quoi on va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans au minimum. Il est vrai que celui-là est mort un peu de temps. Il se fera tremper de bouteille. Alors moi je dis, va bien. D'un côté les gamins qui naissent par paquet de 15 000, de l'autre les deux qui se remarient autour des travettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chemin que ça va donner sur cette planète. On ne va plus pouvoir poser un pied par terre sans écraser un gamin. Et pour nourrir tout ce monde, il va falloir un nouveau plan Wallonne avec 4 moissons par an au bas mot. Bon, s'il n'y a que ça, nous on veut bien faire un petit effort. Oh. Tout de même, monsieur, tout de même, vous les chargez trop, ces pauvres savants. Ils ont aussi eu des inventions merveilleuses. Voilà, oui, question de savoir si le monde est plus heureux. En tout cas pour nous, ce qui est sûr et certain, quand on voit comment on doit travailler aujourd'hui et comme les choses se faisaient dans le temps, ce que je reproche le plus à ces messieurs, c'est qu'avec toutes leurs techniques, ils nous ont tourmenté notre paresse. C'est pourtant vrai. Et la paresse, quand on doit passer sa vie à travailler, c'est quand même le luxe auquel on tient le plus. Et selon toi, ça va finir comment? Ah, ça, mon ami, on en causera une autre fois. Tiens, par exemple, dans quelques années, quand on dégustera le nouveau de 2037, ça sera une fine goutte, je te parie. En attendant, gardez quand même. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Tu vois, il n'y a pas que les savants pour avoir des grosses malices dans la vie. Avez-vous vu celle qui est arrivée au bac la semaine passée? Ah, j'ai personne vu ses joies. Avec l'enterré tout domestique, j'ai pas vu un mot de mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est toute une histoire. Il voulait s'acheter un cheval. Son idée fixe, c'était de s'acheter un France-Montagne. Pourquoi ça? Oh là là, faire de goût, tu comprends? Quand un jeune prend femme, c'est celle-là qui veut et pas une autre. Il faut croire qu'il a son idée. Et moi qui n'ai pas dans le cochon, ça a plutôt l'air d'une idée fixe. Du reste, là, je comprends, c'est du solide, ce Jurassien. Oh, le peut-être. Ça fait que l'autre jour, le marchand, il téléphone. Il faut descendre à la gare, qui fait, j'en sois, 3 wagons qui arrivent, direct des France Montagne. Si tu trouves à ta convenance, tu n'auras qu'à l'amener tout chaud. Et puis bon, voilà mon vache qui descend à la gare. Il regarde le lot, il choisit celle qui lui plaisait le mieux, il fait au prix. Et le voilà qui remonte, fier que Martabin avait sa bête, ça s'arrose forcément. Mais qui fait qu'en arrivant au village, il attache son cheval devant le café, regardez, pas d'esprit. Là-dessus, un petit caillonnet. Qui c'est ça, caillonnet? Celui qui tient la porcherie, Buchelègue, un nom pour être bien vu au Polytechnicum. Oh. Enfin bref, le caillonnet il fait, dis moi Bat, c'est-tu toi qui as acheté mon cheval? Non. Le pic, que devant la pinte. Il est à moi. Tu aurais dû me dire que tu cherchais un bougnier, on se serait partagé le bénéfice du matin. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est le mien. Je l'ai vendu pas plus tard qu'aujourd'hui au Grand Monnaie. Mais moi aussi je l'ai acheté au Grand Monnaie. Mais il y a des franches montagnes. Il y a des franches montagnes comme moi, je suis marchand de parfum. Puisque je te dis que je l'ai pris au wagon. Enfin bref, vous connaissez le pape, c'est un têtu. Il n'aime pas tant qu'on ait l'air d'y faire la leçon. Pour un peu, je t'en poignais. Heureusement que le cahier dit. D'ailleurs, c'est bien simple. Je peux te donner 12 signes que j'y connais à cette bête. Viens voir. Allez, voilà, parti. Seulement le hic devant le café, plus moins de bête. Ah là là. Rien qu'un bout de corde. C'était le cheval qui s'embêtait devant cette bête. Alors il a rompu sa laisse et il s'en est retourné tout droit vers l'écurie. Vers l'écurie au Cayennais. Par Dieu, il pouvait pas savoir où restait son nouveau maître. Ça fait que le bat a été convaincu. Oh là oui, et tout bon qu'il est. Il a commencé par piquer une rage épouvantable, il sacré le tonnerre par cette écurie, et il a fallu que le grand Monnaie s'amène, c'est en tenant, il est venu. Non, c'est rien, je le vois comme si j'y étais. Alors, et puis tout s'est expliqué, le grand Monnaie a dit, tu voulais un cheval comme ci, comme ça. Moi, j'ai tout de suite compris que ton affaire, c'était celui au Cayennais, qui était justement à Londres. Bon, je ne pouvais pas te le dire parce que coquin comme je vous connais, vous auriez été capable de faire commerce derrière mon dos. Surtout que tu l'aurais pas voulu avec ta toquade des franches montagnes. Ce qui fait que pour te rendre service, le jour où je recevais un lot des franches montagnes, je lui demandais au Cayennais de m'amener la bête. Le temps de la fourrer dans le wagon, puis tout était fait. Eh bien, il a fait le grand Monnaie, viens choisir un autre. Si tu trouves mieux dans le lot que j'ai reçu ce matin, il est à toi. Marché fait et au même prix. Mais je te garantis que tu n'en trouveras pas un qui soit plus à ta convenance. Comme le Cayennais était du même avis, le bat, ça finit par garder ta bête. Et c'est encore le grand Monnaie qui a eu le dernier mot, il a fait. C'est quand même dommage que ça se soit su. Parce que ça y faisait tant plaisir au bat d'avoir un France-Montagne. Ça me rappelle une du même acabit qui était arrivée au village. C'était entre le Toidu et le laitier d'alors. Il est parti depuis. Et bref, j'avais eu des rognes, on n'a jamais su juste pourquoi. Ce qui fait que le Toidu se dit, rien de fait, je n'y achète plus rien à cette roche-là. Bon. Ça fait qu'il va en ville chez un autre laitier, puis il achète une pièce. Le laitier met la pièce à l'autobus. Et puis vous savez comment ça se passe à l'autobus, pas toujours très catholique. Il te ça distribue aux jouets. Il voit une pièce de fromage en dit petit, il la pose chez le laitier. Quand le laitier arrive dans sa boutique, il voit cette pièce, puis il se fait, mais qu'est-ce que c'est pas moi, ça sera une erreur. Bon, oui, il viendra bien la chercher. Deux jours, trois jours, jusqu'à ce que le Toidu aille à l'autobus et dise au chauffeur, « N'avez-vous pas une pièce de fromage pour moi ?»« Ah, c'était pour vous cette pièce. Excusez-nous bien, on l'a posée chez le laitier. » Ouais, sans le commission, quoi. Ah, puis, chacun comme s'il doit, quoi. Avec le Toidu se lance chez le laitier. « Je viens chercher cette pièce que tu as reçue de l'autobus. » Ah, voilà. Ah, elle est pour toi. Que tu sers en ville au jour d'aujourd'hui. Oh là oui. Eh, il est bon, moi, ce fromage. T'en garantis. Le jour où tu seras foutu d'en faire du comme ça et pas de la pétaille comme des fois en part causer. Voilà qui fait le laitier. Ça fait que je crois bien que le fromage, c'est la jeunesse. Il se bonne en voyageur. Pourquoi en voyageur? Oui, parce que ton laitier de la ville. C'est moi qui fournis. Et puis que le laitier fait, si tu veux la preuve, tu peux toujours regarder mes factures. Ça te fera réfléchir. Parce que les voyages, c'est une bonne chose. Je dis pas non. Mais ça coûte. Avec ça, le Toidu est déjà près de ses sous. Alors lui, sa femme prétend qu'il repasse son livret d'un bout à l'autre tous les mois avant d'aller à la paye du lait. Eh bien moi, pour en revenir à ce cheval, ce que je trouve bon, c'est que le bat qui a quand même vu le contenu des trois wagons, a trouvé moyen de choisir juste le pic que l'autre voulait qu'il choisisse. Il connaît quand même son métier, le grand Monnaie. Je sais, ça c'est comme de tout dans la vie. Tu te crois que tu choisis, et c'est toujours bel et bien quelqu'un d'autre qui te pousse l'objet dans la main. Puis lui, pour ce qui est de diriger le monde, il s'y connaît. Ça n'empêche qu'une fois, il était resté vert. C'était avec Nisset du Quater. Pressé par Régin, il est parti, il n'a pas fait ses affaires. Oui, hein? Comme on dit, il était plus habile à dépenser l'argent qu'à le gagner. Oh. Comme quoi les talents sont bel et bien dispersés sur le monde à la volée. Ça tombe ou ça peut, enfin bref. Pour la langue, il était de première force. Comme tous les feignants. Vous savez que le grand Monnaie était en train d'y vendre une vache, et vous l'entendez, quand il vous amoue, il y avait une bête qu'il a à vendre, c'est le nègre plus ultra, hein. On dirait un amoureux qui parle de sa promise, pleurant moins. Vous savez qu'il y a l'œil, qu'est-ce que le mystère fasse? Mais par Dieu, je la connais, c'est bien celle qui ne va jamais à la fontaine sans une petite sacoche verte. Alors, je ne peux pas la prendre, celle-là, non. Tu comprends, j'ai un domestique qui n'est pas toujours très poli avec les bêtes, ça me ferait encore des niaises. Cherche-moi une plus ordinaire. En tout cas, là, il a su faire choisir la bête qu'il voulait vendre, quoi. Savoir qui choisit, et comme l'autre disait à sa femme, un soir qui se renchonnait, la famille fait. En tout cas, c'est pas moi qui suis allé te rapercher, as-tu assez tourné autour? Alors lui répond, et quoi? Depuis quand ça est-il la trappe qui court après la souris? Ben dis donc, tu devrais l'essayer sur la tienne, cette réponse. M'étonnerait qu'elle n'y trouve pas. Il lit quoi, deuxième verset? Santé! Consommation! Et dans 15 jours! À la mort! Thank you.

passeport ou pas? Ah ouais, non, il a dû aller par Lausanne. Il espérait bien te rentrer ce soir, mais il m'a dit que ce que vous voulez, on va se trouver en famille. Il y aura eu le tantôt qui aurait été à famille donnée. Alors je ne peux pas partir juste au moment où ça viendra un peu comique. C'est pour enterrer sa tante, donc? Ouais. Oh, c'est juste s'il l'a eu connu dans le temps. Mais c'est comme ils me disent, moi j'ai une famille qui vieillit, il n'y a plus de jeunes. Par Dieu, ils y ont tous mis le même zèle que lui. Ah, il paraît bien un peu. Alors qu'il me faisait, on est obligé de serrer un peu les coudes, parce que si la moitié se trouvait une excuse, le restant ne ferait plus qu'un crouille petit groupe. On aurait l'air de paria, ça aurait mauvaise façon par rapport au nom qu'on porte. Ma fille. Je sais pas si ça te fait aussi cet effet, mais moi, quand on me cause de la famille du raisin, c'est comme si on disait le garçon à l'évêque. Ça sonne faux. Oui, c'est vrai, ça. Ce raisin, il semblerait qu'il soit venu au monde tout seul, avec sa moustache rousse, son col à brisure, et puis sa veste trop longue. Et puis son gilet. Il doit avoir une nette pour ses gilets, tu ne crois pas? Il n'a jamais été fichu d'en avoir un qui soit sorti au reste. Ah ouais. Puis il les avait prévus pour une crue du ventre qui n'est jamais venue. Ils ont tous la même façon de goûter. Il est caractéristique, ce genre. C'est un tout brave. Oh, Lola. Quand on s'en tient de la sorte, on devrait pouvoir faire quelque chose pour le conserver le plus longtemps possible. Il y aurait bien un moyen. Il ira tasser son appartement depuis le temps qu'il roucane. Oui. Alors, ce que je disais, n'est-ce pas, c'était manière de causer. Je m'étonne à quoi ça tient, ça dit. J'ai souvent pensé rapport aux gens. Comment ça se fait-il que ceux qui se sont mariés, tant plus qu'ils vont comprendre là, tant plus qu'ils viennent trancher. Hein? Comment l'entends-tu? Tu le sexe. Un homme marié a tendance à s'exagérer ses manières d'être d'homme, et les femmes passées 10 de mariage, elles deviennent femmes à un point que c'est souvent pas permis. Tandis que ceux qui ne se marient pas, ils semblent comme un moment qu'il y a où ils reviennent même ça. Ils se confondent. Les vieilles filles viennent facilement en masse, puis regardez le régent. Il a un côté tantaline qui frappe. C'est vrai, ça, moi. Je le vois comme si j'étais en train de faire de la dentelle au crochet en lisant une histoire douceâtre aux femmes du comité de l'infirmerie. Ah, pauvre régent, tu l'astiques. Ah, ce n'est pas mal, chacun ses défauts. Hein. Nous, on serait plutôt reçus. Et ça va, c'est nous le dire, avec des mots un peu durs, puis des jugements, et claf une pile d'assiettes. Lui, quand il veut dire une méchanceté, il a une des façons de l'envelopper dans du papier pour cadeau. Ça porte un peu, par Dieu. Oh, c'est pas moi qui vais prétendre que les femmes sont plus bienveillantes que nous. Non, non seulement c'est la façon de s'adire sans se salir le museau. Eh bien, le régent, c'est lui-même. Quand il plisse l'œil gauche dans le coin... Ouh, alors... On aurait tout vite envie de courir chez la Mélanie pour y acheter un cornet de drops pour le petit. On y changerait silence. Et puis, crac, ça sort, et puis on est assis droit bas. Quelle gale, ta piscine. Avec ses airs humbles d'un qui a besoin de se faire cocotte. Oh, ouais, tu es pour moi, c'est tout simple. Ce côté vieille femme du régent, ben c'est parce que toute sa vie, il a fait le papa et la maman. 80 ans durant, tu récures la cuisine, tu fais les cuivres, les affonds, que tu rapetasses tes fonds de culotte. Forcément qu'il te vient quelque chose du côté de la femme. Et les mêmes manies, les mêmes petits plis, ils se mélangent, c'est vrai. Après, c'est dommage que cet enterrement, ça soit tombé juste sur un samedi. Pas que pour la famille, le samedi aille mieux. Oh, alors toi, tu es comme le vieux Crick. C'est le ministre qui m'avait eu ça raconter, je ne voulais pas le croire. Quand il a perdu son garçon, le pasteur y fait. Alors mon ami, à quelle heure voulez-vous ce culte? Donc, on répondu le Crick, faites à votre guise, pour moi de toute manière, c'est une après-midi foutue. Oh, le Crick, c'est pas un homme ça. C'est une crousille, avec des fentes dans tous les coins. Il économiserait sur la grêle. Oh, dis donc, il paraît du reste que c'est pas si rare qu'on croit. Justement, comme je disais au ministre que j'avais de la peine à croire, ben, il m'a dit, c'est encore rien, ça. Et il m'a raconté l'histoire d'un homme. Oh, c'était pas par ici, non, dans une autre paroisse qu'il a eue. Hein, qui avait perdu sa femme. Subitement, une crâne femme, pleine de feu et tout. Tout le village était au non plus. Ça fait que le pasteur va voir son paroissien, forcément, il s'embrille dans les phrases d'usage, le gaillard était à calafrer dans un fauteuil. Jamais je n'ai vu à Paris des espoirs, comme dit le pasteur. Enfin, du moins, il croyait. Parce que voilà le veuf qui lève la tête puis qui fait, avec tout ça, moi, comment est-ce que je vais m'en retourner? Il me va falloir prendre une Allemande. Oui, à première vue, c'est un peu brusque, mais... Mais réfléchir, ça ne prouve rien du tout. J'en ai dit que c'est leur métier de faire des phrases sur leur chagrin, même que les phrases viennent joliment sans chagrin, car besoin est. Tandis que mon Dieu, lui, ben, son métier, c'était de faire marcher la ferme. Tu peux avoir envie de pleurer à grosses gouttes, et il n'en reste pas moins qu'il faut faire pour les cochons. Et pour les visites. Eh, diable! Je ne trouve pas si scandaleux que ça que cet homme ait d'abord pensé à la manière dont se fait l'ouvrage de la femme. Ça n'empêche pas le statut. Venez te voir quand on a fait cette collecte pour ce village sinistré, hein? Qu'à la grande Isaline. Eh, montée, qu'elle s'est apitoyée. Et ces pauvres gens, et cette guerre, et cette misère. Un moment, j'ai cru qu'elle allait prendre tout le village à sa charge. Elle a donné 1,50 francs. Et un vieux boléro qu'on aurait eu vergogne de l'envoyer. Il était rempli de guet, de gers, là, comme un chien de puce. Tandis que la Mélanie du magasin, tu la connais, et le caquette est le seul comme un plein poulailler. Je pense que quand son gros yayo de Louis l'a demandé en mariage, elle a recommencé par leur mauvais. Eh mon Dieu, quand vous êtes embêtant, les hommes, avec vos manies de se marier, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre chacun à sa guise dans son coin? Eh bien, pour la collecte, ça a été du même. J'étais allé avec le chat. Elle m'a tout dit. Comme si on n'avait pas assez peine à s'en tirer même, que si elle était dans la misère, on ne l'aiderait pas, que tout ça c'est des manières pour se goberger et se faire plus beau qu'on est. Je l'entends. Seulement j'ai bien cru qu'elle allait vider son magasin dans mon camion. Une boîlée, un paquet. Une nouvelle mouronnée, et encore un paquet. Je riais dedans. Drôle de famille. La voix, les bras, tout y allait en mesure, comme quel régent dirige la chorale. C'est quand même ça qui compte. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Si on donne, ça c'est des proverbes de riches, de gens qui n'ont jamais eu besoin de recevoir. En attendant, nous on était bien contents de pouvoir apporter quelque chose de plus épais que les Jérémias d'Alizaline. Sale crise, c'est le lard. Ce soir qu'on est seul, à vous. À vous et quoi, Isaline? Tu y as eu couru après? Oh, si j'étais sûr qu'elle s'encouble, j'y courirais après tous les matins à l'entrée. Non, ne fais pas le malin. Tu l'as eu demandé en mariage et t'as refusé. Oui, c'est bien ce que ta femme me disait. La sécheresse t'a bien éprouvé. Même qu'elle causait de te mettre gorgé 2-3 jours dans la fontaine. Ne détourne pas, vois-tu? Chaque fois que tu causes de l'isaline, je me dis, pour détester quelqu'un de la sorte, il faut l'avoir eu aimé à la passion. Eh bien, il n'y a pas que du faux dans ce que tu dis. Pour moi, l'isaline, c'est presque une preuve de ce qu'il y en a qui prétendent. Tu sais qu'on a déjà eu vécu une autre vie quelque part avant d'arriver dans ce canton. Enfin, le régent te dirait le nom de ça. Ouais, il y a du métaphamie. Juste ça. Ben, je me suis souvent pincé, moi, pour qu'elle me boive le sang de la façon, l'isaline, il doit falloir qu'on ait déjà eu été mariés ensemble sur une autre planète. Ça expliquerait tes sautes d'humeur. Enfin, n'approfondissons pas trop. Santé. Conservation. Votre bonne santé, messieurs. Ah, ne manque, hein, ce régent. Mais il est bien remplacé par ce pinot noir. Moi, des fois, on est là qu'on se rend, on aurait vite. Eh bien, je regarde cette bonne tête placide et ça me rabombe. Comme quand on se croit qu'on est pressé, puis qu'on s'aperçoit que le demi est encore plein. Ça rassure. Dis donc, est-ce qu'elle y laisse quelque chose, sa tante? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas, non. Il aurait eu l'air plus touché. Non, non, il n'a pas une tête à héritage. Qu'est-ce qu'il en ferait? Oh, c'est un de ces jolis comtés. Il n'est pas une brique portée sous la monnaie. Ah, tu crois? Rappelles-tu cette fois qu'il y avait eu soirée de la société du chat? Il dirigeait. Ça fait que le rideau se lève, mon régent arrive, raide comme un i, il se grimpit sur le trabecet, et voilà toute la salle qui se met à rire. Mais rire! Mon régent avait mis son pantalon noir à scandale pour les grandes occasions, mais par là-dessus, une veste verte, sale, trouée, avec la doublure qui pendouillait derrière. Oh, ce pauvre gaillard! Il avait donné à manger au lapin, droit avant de venir, puis il avait oublié d'en changer de veste. Oh, on avait bien ri. Surtout qu'il serait assez coquet. Oh, alors? Ah, c'était le joli temps pour les sociétés de sang. Tu te rappelles, on chantait avec sa hôte qui se ballotte, puis monsieur l'a pas dit. On a eu bien ri. On a eu bien ri. Tandis que maintenant, c'est le progrès qui dit, mais c'est de la musique trop savante pour moi. On doit tout ça chiouler avant que ça rentre. On a tout le même plaisir. Oui, il y a ça, il y a ça. Mais il y a surtout qu'à l'époque, on n'était pas gâtés comme au jour d'aujourd'hui. Tiens, je voyais hier une auto de la ville qui s'est arrêtée pour admirer le gros platane en face de l'école. Il est superbe, mais nous, on ne voit plus, on en a l'habitude. Ben, c'est la même chose avec la musique, on en est tellement gavés avec ces robinets ouverts. Tiens, l'autre jour, je labourais en bras dessus, il y avait la radio à la mer Gindre qui me tapait dans les oreilles. Comme un vilebrequin, opus sur opus, tout le tantôt. Alors, forcément qu'on en est un peu rengoumé. Tu ne peux pas manger de la crème fouettée trois fois par jour. Oh, là oui. Surtout qu'il faut être juste. Les gaillards qui chantent et jouent à la radio, ils s'y prennent presque aussi bien que nous. Ça nous découragerait vite. Enfin, bref. Dis donc, essayez votre... Qu'est-ce que ça dit? Bon. Calme. Bon, j'ai bien idée, oui. Ça fait une flambée la semaine d'avant, et en plus. Tu connais la musique, quoi. Tant mieux. On n'a pas besoin de tant de haut-parleurs pour savoir ce qu'on a à faire. Je me rappelle une jolie qui est arrivée l'autre jour dans un petit journal du carton. Tu sais ce que c'est, hein? Quand un candidat accepte de se laisser porter, on dit toujours que c'est par dévouement. Oui, ils se sont mis 10 pour le tirer. C'est ça. Et inversement, un qui se désiste, c'est toujours par intérêt supérieur, jamais parce qu'il n'a pas de chance, comme de toujours le papier de soie. Encore ne faut-il pas confondre. Et c'est ce qu'a fait un journaliste dans une petite feuille l'autre jour. Il était un peu pressé, je pense. Ça fait qu'il a embrouillé ses formules et on a pu lire sur le journal. Cédant aux pressantes sollicitations de ses amis, M. X a fait savoir qu'il renonçait à poser sa candidature. Oh. Et comme de juste ça suivait, on a essayé de faire revenir cet homme éminent sur sa décision et tout. Oh, mais t'as vu que si ce journaliste rencontre le monsieur, il aura avantage à faire un petit crochet. Ouais. Faut être prudent dans le choix de ses intimes. Eh bien, moi, ça me rappelle un discours qu'on en a eu causé une fois, et paraît-il, tout ce qu'il y a d'authentique. C'était une assemblée de la Société des banquiers. Il y avait eu naturellement un petit poussignon avec la moindre des briques dans les assiettes et puis dans les verres. Des discours comme quoi la crise était proche, que c'était bientôt le moment que le peuple se mettait à économiser. Enfin bref, quant à la musique. Oui, c'est comme l'autre. Je l'ai déjà tellement entendu qu'elle me fait moitié d'effet. Et alors? Alors forcément qu'à ce banquet, il y avait des journalistes à un bout de table. Mais pour une fois qu'ils pouvaient passer à la banque pour tirer quelque chose, ça n'a jamais été un métier de Crésus, tu sais. Non, voilà. Ils avaient joliment forcé sur le rouge. du moins deux ou trois. Ça fait qu'au moment où on allait finir la partie officielle, il y en a un qui se lève, lève la main, puis demande la parole. On la lui donne, un petit peu étonné. Ça fait que, vu l'inusité du cas, ça donne un silence à couper au couteau. Et mon journaliste, embrayé juste ce qu'il fallait pour avoir les idées très claires, se lève et leur fait « Je vais vous faire un petit discours, court, mais bon, un qui vous fera plaisir. » Il racle la gorge et fait tranquillement « Zut pour les pauvres, j'ai dit. Et quand je dis « zut », c'est pour ne pas t'effaroucher. Il avait lui été plus charnu. Alors ça tombait à pic. C'est comme ce journaliste explique à ses collègues, dans le discours, on a tendance à s'éparpiller sur les détails. Notre rôle à nous, c'est d'aller au nœud de la question. J'aurais bien voulu voir ça. Ça devait être bien joli quand même, hein. Et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Oh, tu sais, à la fin d'un banquet, un banquier, ça ressemble joliment à un autre homme. Ils avaient bien rigolé avec une trace de jaune par-ci par-là. Qu'est-ce que tu comptes, toi? Naturellement, je... J'étais à la journée officielle et puis au concours des bovins. C'est pas tout à fait la même chose. Oh, comme tu dis, sur les midis, ça se rassemblerait encore joliment sous le rapport de la solennité. Mais alors sur le soir, ma fille, les bêtes se tiennent mieux. Elles supportent mieux le chaud. Sans parler de la soif. Du reste, il n'y a pas de quoi les vanter, on ne leur demande pas leur avis. De la manière que certains taureaux se mettent à beugler le café, on a l'impression que si on leur mettait le nez dans le seillon, ils auraient été au fait de battre les records du concours à Jean-Louis. Comme disait l'autre, chien ou homme, c'est tout du même. Pour éviter des excès de bouche, les plus beaux discours n'ont jamais valu une muselière. Là, non. Y avait-il du monde? Mais alors... Je me demande, moi, toujours, avec cette manie qu'on a de faire des foires dans toutes les villes, où on va rapercher les spectateurs. Et le monde a des sous. Ah, quand même. Moi, je trouve que ces Zurichois qui s'embrillent juste pendant le comptoir, c'est excessif. Ils leur font tout. Oh, alors des avales au royaume, oui bien. J'avais une fois entendu en Genevois, c'était un municipal de Genève, ils leur disent, conseiller administratif, je crois, qui nous causait dans une séance d'une grande commission fédérale pour la recherche des occasions de travail, ou je ne sais pas quoi. Et puis, ils nous faisaient... Cette commission a été constituée de manière à grouper et représenter les intérêts de toutes les parties de la Suisse. Elle se compose de 18 membres, 12 Zurichois, 3 Balois et 3 Suisses. Non, et je pense que sur les 3 Suisses, il y en avait encore un ou deux qui habitaient Zurich. Ah, forcément, du moment que c'est la plus grande ville, hein. Ils ont autant de droits que nous, quoi. Oh, ce qui est juste, c'est juste. Mais il faut quand même bien se dire que s'ils avaient mauvais caractère, ils auraient parfaitement pu interdire le compteur. Eh bien, il paraît qu'ils n'y ont même pas songé une minute. Honneur. Respect. Ouais. Du reste, il paraît qu'il y a eu des mentries. Ah ouais, lesquels? Ben justement, pour éviter ces chevauchements. Depuis l'année prochaine, le comptoir suisse s'appellera comptoir de Lausanne. Mais il se tiendra à Zurich. Ah, c'est pas une bête d'idée. Mais ça arrange tout. Leur aérodrome de Kloten, ils y diront Écublin, un souvenir. Et bien, on leur céderait encore deux, trois choses. Le château de Chillon, les dents du midi, des bricoles, quoi. Et nous, alors, qu'est-ce qu'ils nous cèdent? Minute. D'abord et primo, hein, ils nous accordent leur protectorat. J'arrête. Ouais. Et deuxièmement, ils seraient même en principe d'accord qu'on apprenne l'allemand. Oh, monsieur Calori vont loin dans les concessions. Ils sont émouvants. C'est tout te dire. Paraît que pour nous faciliter, ils seraient d'accord avec un échange. On leur enverrait nos désallées et ils nous donneraient leur vin du lac de Zurich. Ouais. Paraît que c'est indispensable pour apprendre le zurichois avec le bon accent. Ça flatte le palais. Ouais. Et c'est signé? Non. Il y aurait du tirage. Du côté vaudois. On ne voudrait quand même pas qu'il se fasse dire qu'on leur enlève le pain de la bouche. Faut être prudent. Santé, Sadik. Conservation. Et dans 15 jours, à la même heure. Heure. Thank you.